bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venu l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, dans la chronique, je vais vous parler de l'intelligence d'un animal dont, justement, on essaie de ne pas trop parler, celle du cochon. J'aurai ensuite la chance de recevoir Milena Troche, doctorante en éthologie à l'Université de Tours, rattachée à l'Institut National de Recherche Agronomique Val-de-Loire de Nouzilly et à l'Institut Français du Cheval et de l'Équitation. Elle vient nous parler de ses recherches sur la cognition du cheval. Bonjour Milena et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Il y a des animaux que l'on côtoie depuis bien longtemps. En toute logique, on pourrait penser que les animaux domestiques, et plus particulièrement nos animaux de ferme, vaches, cochons, poulets, lapins, moutons et autres chevaux, n'ont plus aucun secret pour nous. À force de vivre dans nos maisons, nos étables et nos basses-cours, on commence à bien les connaître. Or, il n'en est rien. Aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur une intelligence qui dérange, celle du cochon. Depuis quelques années, les éthologues étudient un peu la question, mais jusque récemment, on s'intéressait surtout à sa trajectoire jusqu'à nos assiettes. Alors allons-y, est-ce que tout est bon dans le cochon ? Dans les expressions populaires, les cochons sont rarement bien vus. Sale comme un cochon, donner de la confiture au cochon, jouer un tour de cochon, cochon qui s'en dédie, avoir un caractère de cochon, etc. Bref, rien de bien valorisant. Dans le roman de George Orwell, La ferme des animaux, paru en 1945, c'est un cochon. Old Major, sage l'ancien en français qui, après avoir fait un rêve, convoque les autres animaux pour prendre le pouvoir et chasser les propriétaires humains de la ferme. Dans cette histoire, les cochons sont dépeints comme très intelligents, manipulateurs, voire machiavéliques, à tel point que leur oppression sur les autres animaux rejoint celle autrefois exercée par les humains. Cochons, humains, même combat ? En tout cas, leur mode de vie ressemble au nôtre par bien des aspects. Les sangliers, domestiqués il y a environ 9000 ans par l'homme, tout comme nos cochons actuels dont ils sont à l'origine, sont très sociaux. Les groupes matrilinéaires sont composés de 2 à 5 femelles et les petits restent un moment avec leur mère. Les mâles, quant à eux, vivent de leur côté. Et tout comme nous, ils sont omnivores et mangent de tout. Aussi, ils sont fouisseurs, cherchent leur nourriture dans le sol et sont donc capables de se souvenir de l'emplacement de leur fouille. Mais pas seulement. Dans une étude publiée en 2005 par l'équipe de Susan Hell dans le journal Animal Cognition, les cochons étaient testés dans une arène dans laquelle se trouvaient 8 seaux. Seuls 2 d'entre eux contenaient de la nourriture. L'un contenait plus de nourriture que l'autre, et l'emplacement avec le moins de nourriture présentait un obstacle, une brique, qui rendait son accès un peu plus difficile. Les emplacements des seaux avec la nourriture étaient bien sûr changés entre les essais dans l'arène. Quand les animaux n'avaient la possibilité de ne choisir qu'un seul emplacement pour aller manger, ils préféraient aller à celui avec le plus de nourriture. Et quand les scientifiques ont voulu vérifier que l'obstacle ne jouait pas de rôle dans leur choix, ils ajoutèrent un obstacle devant tous les seaux, et les animaux continuaient à choisir celui avec le plus de nourriture. Cette étude montre donc qu'ils étaient bien capables de distinguer les 2 quantités, mais aussi de se souvenir de leur emplacement. Mais leur mémoire ne se cantonne pas aux indices spatiaux, elle peut aussi être sociale. Les cochons peuvent aussi identifier des individus qui font partie ou non de leur groupe en utilisant de nombreux indices, tant tactiles, auditifs, visuels ou olfactifs. Quand des cochons sont mélangés dans les élevages alors qu'ils ne se connaissent pas, les animaux deviennent rapidement très agressifs entre eux, ce qui pose de nombreux soucis compte tenu des conditions de vie dans les élevages. Encore plus fort, les cochons seraient capables de différencier des images d'humains. C'est ce que démontre l'étude menée par Marianne Vondrak et ses collaborateurs, publiée en 2018 dans le journal Applied Animal Behavior Science. Chaque cochon est installé devant un écran sur lequel apparaît 2 photos. L'une d'un visage et l'autre de l'arrière de la tête d'une femme. Et on leur montre 10 images différentes. Quand les animaux de chaque groupe, ceux qui doivent choisir le visage ou l'arrière de la tête, ne se trompent plus, on leur présente 16 nouvelles paires de photos dans une tâche qu'on appelle de généralisation, histoire de s'assurer qu'ils ont bien compris le but du test. Verdict, les cochons ont atteint une moyenne de 84% d'essais réussis, c'est-à-dire qu'ils choisissent toujours la catégorie d'image qu'on leur a appris à reconnaître. Pour finir, on leur présente des images de têtes retournées, voire altérées, sur lesquelles on avait enlevé des informations pour voir sur quoi ils se basaient. Ceux qui ont été entraînés à reconnaître les visages, de face donc, ont eu plus de difficultés avec notamment les bouches et les yeux inversés sur l'image que ceux qui ont appris à reconnaître l'arrière de la tête. Tout ça nous laisse penser qu'il se base sur ces indices, par exemple les yeux et la bouche, pour reconnaître les images d'humains. Pas mal. Autre chose encore, certaines études laissent à penser que les cochons pourraient comprendre ce que leurs congénères perçoivent ou non d'une situation et qu'ils seraient même capables de contrecarrer les plans d'un copain trop pressant. Les travaux de Susan Mendel et ses collaborateurs, encore elles, vont dans ce sens. Dans un papier publié en 2000 dans le journal Animal Behavior, les scientifiques ont installé un cochon dans une arène où là aussi de la nourriture était cachée dans des seaux. Ils lui laissent le temps de découvrir l'emplacement de la nourriture, puis ils font rentrer dans l'arène un second cochon, plus gros que le premier et surtout totalement naïf, qui ignore où chercher la nourriture. Au début des tests, le cochon informé file à la nourriture et l'autre, le naïf, farfouille dans l'arène de manière systématique et tombe parfois sur son compagnon. Mais rapidement, les stratégies changent et l'individu naïf se met à suivre le cochon informé et profite de sa taille pour dégloger le cochon premier arrivé et lui chiper la récompense. Mais petit à petit, les cochons informés trouvent une parade. Ils ne vont à la récompense que quand le cochon naïf est suffisamment loin pour leur laisser le temps d'aller manger en premier. Ils se déplacent plus vite, ou bien ils n'y vont que lorsque le second cochon est hors de vue, derrière une barrière par exemple. De manière surprenante, les cochons spoliés ne réagissent pas comme ça quand ils sont couplés qu'un autre cochon qui ne les exploite pas, ce qui démontre des capacités de discrimination plutôt fines. D'autres recherches ont montré que les cochons pouvaient utiliser un miroir pour atteindre de la nourriture placée hors de leur vue, ou encore qu'ils étaient capables de comprendre qu'ils pouvaient contrôler un joystick d'ordinateur et que les mouvements du curseur observés sur l'écran étaient bien causés par leurs actions. On sait qu'ils communiquent beaucoup entre eux et de différentes façons, notamment par les cris et les odeurs, et qu'une contagion des émotions peut être observée chez eux. Une expérience menée par la chercheuse Inange Reimert et ses collaborateurs, publiée en 2013 dans le journal Physiology and Behavior, a démontré qu'un animal naïf, placé dans un groupe qui avait été entraîné à recevoir une récompense positive, comme de succulents chocolats avec des raisins, ou une punition, comme une isolation du groupe, allait adopter la même posture d'attente que les autres cochons qui savaient justement à quoi s'attendre. S'il est dans un groupe qui attend la récompense, le cochon naïf joue plus. Alors qu'avant un événement stressant, l'animal naïf adopte des comportements associés au stress, comme la queue baissée. Il copie donc l'émotion qui existe au sein du groupe où il a été placé. Doué d'une très bonne mémoire, capable de discrimination, de sensibilité et d'émotion, riche d'une vie sociale complexe, nos amis cochons sont pleins de surprises et sont bien plus proches de nous qu'on le souhaiterait. Ce qui, bien entendu, pousse à la réflexion quand on connaît leurs conditions de vie dans les élevages intensifs. Comme le spécifiait le 7e commandement, amendé par Napoléon, le cochon tyrannique de la ferme d'animaux d'Orwell, tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Revoilà avec notre invitée Milena Trush, doctorante en éthologie à l'Université de Tours, rattachée à l'Institut National de Recherche Agronomique Val-de-Loire de Nouzilly et à l'Institut Français du Cheval et de l'Équitation. Elle étudie la cognition d'un animal prépondérant dans nos vies et fidèle compagnon, le cheval, la plus belle conquête de l'homme. Alors tout d'abord, moi je me demandais pourquoi étudier la cognition chez le cheval ? Est-ce qu'on ne sait pas déjà tout ce qu'il a à savoir sur lui ? Eh bien en fait non. Justement, étonnamment, on sait assez peu, surtout sur la cognition chez le cheval, la manière dont il comprend le monde qui l'entoure. Finalement, il reste encore beaucoup de questions. Et c'est particulièrement intéressant de l'étudier chez le cheval parce que comme on partage notre vie avec le cheval, comme c'est nous qui lui imposons ses conditions de vie, c'est vraiment important de savoir la manière dont il comprend le monde pour voir ce qui va le stresser. Il y a des potentielles sources de stress auxquelles on ne va peut-être pas penser spontanément parce que nous, on comprend la raison derrière un bruit, un mouvement qu'il va avoir. Mais lui, s'il ne comprend pas cette raison, ça va être une source de stress pour lui. Du coup, ça va diminuer son bien-être. Et en plus, ça peut aussi mener à des réactions de peur qui peuvent être dangereuses dangereuse pour les gens qui travaillent avec les chevaux. Tout à fait. Un cavalier, si un cheval panique, qu'il peut le désarçonner. Tout à fait. Mais c'est surprenant parce qu'on peut se dire, en plus, une tradition équestre, en plus en France, on en a une depuis très très très longtemps avec des écoles qui travaillent le dressage des chevaux, etc. C'est surprenant de se dire que tous ces gens qui ont côtoyé des chevaux toute leur vie ne se sont pas plus intéressés que ça à leur manière de voir le monde finalement. Oui, alors je pense qu'il y a deux raisons peut-être principales. Déjà parce qu'on était si proche du cheval depuis si longtemps, la plupart des gens qui travaillent avec les chevaux, ils sont persuadés qu'ils connaissent déjà tout ça chez les chevaux. J'ai souvent des gens qui me font la remarque « Ah, vous avez trouvé ça, mais on ne savait pas déjà ça avant ?» En fait, non, on ne l'avait pas encore montré scientifiquement, même si des gens le pensaient déjà. Et puis, il y a aussi, d'un point de vue scientifique, dans le domaine de la cognition, il y a la majorité des capacités cognitives, on pensait à la base vraiment réservées à l'être humain. Et puis, petit à petit, on a commencé à se rendre compte que d'autres espèces en étaient capables aussi. D'abord, les grands singes, qui sont très proches de l'homme phylogénétiquement. Et donc, petit à petit, on s'est écarté de l'homme et du grand singe pour étudier d'autres espèces. Mais il a fallu beaucoup de temps avant qu'on se dise que peut-être le cheval lui aussi était intéressant. Voilà. Donc il fallait le temps qu'on arrive jusqu'à lui. Alors du coup, on parlait de cognition, donc toutes ces études qui visent à comprendre comment le cheval perçoit son environnement, son monde, etc. Donc moi, je me demandais à quelle question vous tendez de répondre dans votre thèse. D'accord. En fait, j'ai pas une question très précise dans ma thèse. L'idée, c'est plutôt, comme on sait presque rien, on essaye petit à petit de chercher pièce du puzzle par pièce du puzzle pour pouvoir finalement assembler l'ensemble et avoir une image globale de la cognition chez le cheval. Donc, je suis un peu partie dans tous les sens, finalement. Pour tout explorer. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai étudié autant la cognition physique, on va appeler ça. Donc, c'est la manière dont il comprend le monde physique qui l'entoure. D'accord. Et la cognition sociale, donc la manière dont il va être capable d'interpréter les comportements des autres individus autour de lui et principalement de l'être humain, vu que le cheval partage quand même une relation assez spéciale avec l'être humain. Plutôt privilégié, en effet. Et d'un point de vue pratique, vous travaillez sur le cheval, qui sont quand même des gros animaux. Comment ça se passe? Où est-ce qu'ils se trouvent? Ils sont en labo? Ils sont en écurie? Où est-ce qu'ils sont vos chevaux? Alors, on a près de 200 poneys Welsh à l'INRA, donc directement sur le site où je travaille. Mais ils sont pas vraiment en laboratoire. C'est des poneys qui vivent en groupes sociaux, dehors. Presque toute la journée. On les prend dans des petits box, souvent individuellement, parfois avec un autre cheval à côté, pour au moment de les tester. Mais d'accord. Sinon, finalement, ils vivent leur vie de cheval normalement. Parfois, on préfère, surtout quand on veut étudier la relation entre l'homme et le cheval, on préfère choisir des chevaux de centre équestre ou même des chevaux de propriétaires qui ont vraiment alors une relation encore plus privilégiée avec leur propriétaire ou avec les gens qui les montent ou qui s'occupent d'eux au centre équestre que ces poneys à l'INRA qui finalement vivent un peu entre elles. Qui ont moins d'interactions, voilà, finalement. Voilà, c'est ça. Les interactions qu'elles ont, c'est pour des expériences sur la reproduction. On leur fait des échographies, tout ça. C'est pas toujours des contacts fort agréables. Voilà. Je comprends. Du coup, ouais. Sauf quand vous leur donnez des petites récompenses de tout à autre. Mais oui, bon. Voilà. Il y a quand même des bons moments quand même passés ensemble, mais moins, je comprends. Et donc, on disait... On va la refaire, celle-ci. Ma voix est partie n'importe comment. Donc, on disait juste avant, vous étudiez la cognition physique du cheval et vous étudiez notamment une capacité qu'on cite souvent en psychologie, qui est la permanence de l'objet. Alors, moi, je voulais voir un petit peu avec vous... Qu'est-ce que c'est que cette permanence de l'objet? Oui, donc en fait, c'est une capacité qui a été initialement étudiée par Jean Piaget en 1954, donc ça D'accord. date un petit peu. Et en fait, il a étudié le développement cognitif chez l'enfant. Et il s'est rendu compte qu'avant 4 mois, les enfants n'étaient pas capables de chercher un objet qui avait été caché. Donc si devant eux, on met leur jouet sous un drap, ils ne vont pas essayer de récupérer ce jouet sous le drap. Pour eux, le jouet a simplement disparu. Et ce n'est même pas un manque d'intérêt, c'est juste qu'ils ne comprennent pas ce voilà, qu'il est devenu. Voilà, on peut voir des vidéos, c'est vraiment juste, ils sont surpris. D'un coup, ce jouet qu'ils avaient n'est plus là, il n'existe plus. D'accord. Et donc la permanence de l'objet, ça va être ça, c'est la capacité de savoir qu'un objet, c'est une entité indépendante de nous et qui continue d'exister même lorsque nous, on ne peut plus l'avoir. D'accord. Et donc ça va permettre de chercher des objets qui ont été cachés justement. Il y a plusieurs niveaux qui ont été définis par Jean Piaget, qui sont des niveaux de complexité croissante qui sont atteints au cours du développement l'un après l'autre. Et c'est vers 4 mois, un enfant va commencer à chercher un objet qui est quand même encore partiellement visible. D'accord. C'est vraiment seulement vers 1 an qu'il va être capable d'atteindre ce qu'on appelle le stade 5 de permanence de l'objet. Et il va être capable de retrouver un objet qui a été caché parmi plusieurs cachettes possibles. D'accord. Et ensuite, on atteint le stade 6 vers 2 ans chez l'enfant, qui est le plus complexe et qui permet de non seulement retrouver un objet qui a été caché, mais aussi un objet qui est caché et puis déplacé de manière cachée. C'est encore plus complexe parce que ça demande vraiment une représentation mentale de ce mouvement de l'objet qu'on n'a pas vu. Oui. Donc, qui était voilà. Hors champ, mais qu'on a quand même changé d'endroit. C'est ça. Ah oui, donc jusqu'à 2 ans, finalement, chez l'enfant humain pour atteindre ces capacités-là. Voilà. Et donc, chez les chevaux, comment est-ce qu'on s'y prend pour tester ce genre de questions? Alors déjà, chez les chevaux, ça n'avait jamais été étudié jusqu'à D'accord. présent. Donc on a testé ça chez des chevaux adultes, parce qu'il faut d'abord savoir ce que l'adulte sait faire avant de s'intéresser au développement. Pour tester ça, en fait, on a caché non pas des jouets, parce que pour les chevaux, ce n'est pas très intéressant un jouet, mais tout de suite des récompenses alimentaires, D'accord. Sous un parmi plusieurs gobelets, ou dans une parmi plusieurs bassines, le principal même. Et donc on cache cette récompense alimentaire sous un gobelet. Et l'idée, c'est que si le cheval va chercher sous le bon gobelet, c'est que finalement, il sait que la récompense alimentaire se trouve toujours sous le gobelet, même s'il ne peut plus l'avoir. Donc par exemple, vous avez votre cheval qui est, j'imagine, plus ou moins immobile. Oui. Et vous, en tant qu'expérimentatrice, vous avez vos deux gobelets, vous lui montrez vraiment sous son nez presque où vous mettez la nourriture. Ouais. Et en gros, lui, il a le choix, il peut aller pousser du museau ou aller fouiller l'un des deux gobelets. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc on place vraiment devant lui la nourriture sous un gobelet, il voit où est la nourriture, mais pendant un petit laps de temps, il ne peut plus la voir. Et après, on pousse vers lui les gobelets, il peut choisir le gobelet où il veut aller chercher. Mais c'est-à-dire que, par exemple, vous rajoutez un écran pour cacher les deux gobelets ou pas du tout? Vous laissez les deux gobelets avec, du coup, retournés? Pas du tout. D'accord. C'est juste la récompense qu'il ne peut plus voir au moment de choisir, mais okay. Sinon, tout le reste... Et il y a un long laps de temps entre le moment où vous lui montrez et le moment où il peut aller chercher la nourriture? L'idée, c'était qu'on ne voulait pas tester la mémoire, surtout qu'on a montré que la mémoire oui, à court sûr. Terme chez le cheval n'est pas très, très développée. D'accord. En condition de stress, ça peut descendre jusqu'à 4 secondes. Donc, ah oui. Voilà. Donc, on a essayé vraiment de faire le plus rapidement possible. Bien sûr. Voilà. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous avez pu observer? Est-ce que les chevaux, ils arrivent à choisir le bon gobelet, finalement? Oui, donc les chevaux choisissaient plus souvent le bon gobelet. D'accord. Après, ce n'était pas des scores de 100% non plus, parce que le cheval est un animal qui est très facilement distrait. Il n'a pas une capacité d'attention qui est très développée. Et il a une mauvaise mémoire à court terme. Donc, ça ne l'aidait pas dans la tâche. Mais bon, c'était quand même plus souvent que le niveau de la chance. Et par contre, après, on a voulu compliquer la tâche. On a commencé à déplacer les gobelets pour tester justement le stade 6. D'accord. Mais on s'est dit, on ne va Donc pas en faire en trop compliqué. Donc en cachant tout ça. C'est-à-dire que vous bougez le gobelet alors que c'était hors de vue du cheval, c'est ça l'idée? Alors en fait, il voit les gobelets. D'accord. Il ne voit pas la récompense qui est sous d'accord. le gobelet. D'accord, ok, je comprends. On bouge juste le gobelet en gardant la récompense en dessous. Voilà, voilà c'est ça. Okay. Comme dans les jeux de Paris, on c'est déplace ça. Les gobelets. On n'a pas voulu faire trop compliqué, donc en fait, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a juste décalé un gobelet. Il y a un seul gobelet qui bougeait en même temps et vraiment juste un tout petit décalage, 30 cm, pas plus. Et on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, le cheval était plus capable en fait, de retrouver le bon gobelet. Ah oui, voilà. Donc il suffit d'un tout petit peu et ça, il est déstabilisé, quoi. C'est ça. Et les gobelets, juste pour revenir, il y avait plus de 2 gobelets au niveau des chevaux ou Alors c'était 2 à chaque fois? On a essayé avec 2 et avec 3 gobelets. D'accord. Et les chevaux étaient tout aussi bons avec 2 okay. qu'avec 3. Et un autre élément important que j'ai oublié de donner, c'est qu'on avait collé un petit morceau de récompense alimentaire sous tous les gobelets. Donc ouais. L'idée, c'était pas juste qu'ils allaient utiliser l'odorat pour sentir où était la récompense. Oui, donc ça veut dire que les deux gobelets avaient une sorte de marque odorante de récompense. Voilà, c'est, donc, ça, c'est okay. ça. Mais ça peut aussi expliquer après qu'ils ne réussissaient pas quand on les déplaçait. Peut-être qu'ils étaient perturbés, qu'ils ne pouvaient Au pas utiliser l'odorat qu'ils utilisent d'habitude. Donc c'est aussi possible. C'est vrai que c'est une possibilité. On vous propose une courte pause musicale pour batifoler dans l'herbe et hennir de plaisir. Ne bougez pas, on vient tout de suite sur Campus. C'était La faune pélagique, un extrait de l'album L'infini, l'univers et les mondes d'Astrobal. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui Milena Troche, doctorante en éthologie à l'Université de Tours, rattachée à l'Institut National de Recherche Agronomique Val-de-Loire de Nouzilly et à l'Institut Français du Cheval et de l'Équitation. Elle nous parle de l'intelligence et de la façon dont le cheval perçoit son environnement physique et social. Alors, on le disait avant la pause, vous vous intéressez à la fois à la cognition physique, comme la permanence de l'objet, mais vous vous intéressez aussi à la cognition sociale, et plus particulièrement lors d'interactions avec l'être humain, donc chez le cheval. C'est ça. Donc, vous avez notamment étudié si un cheval peut comprendre ce qu'un être humain a pu voir ou non d'une situation. Alors, moi, je voulais savoir, mais comment on fait ça? C'est toujours l'enjeu. Comment est-ce qu'on fait pour poser ce genre de questions au cheval? Ouais, alors, c'est compliqué. Hein. D'habitude, on essaye d'utiliser des protocoles qui ont déjà été utilisés avec d'autres espèces, mais il faut évidemment les adapter au cheval, tout à fait, qui ouais. sont plus grands, qui sont plus vite effrayés, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un cheval dans une écurie, un cheval de propriétaire. D'accord. Et on l'a lâché en liberté dans un paddock intérieur où il avait l'habitude d'aller. Et donc, dans ce paddock, il y a un seau avec de la nourriture dedans que le cheval a envie d'atteindre, mais il y a un couvercle sur le seau, donc il ne peut pas atteindre la nourriture de lui-même. Et il y a deux expérimentateurs qui sont là, à qui il peut demander de l'aide pour atteindre cette nourriture. Et pendant la phase où la nourriture était placée dans le seau, un des expérimentateurs était face au seau, donc pouvait voir que de la nourriture était dans le seau, alors que l'autre expérimentateur était dos au seau, donc n'a pas vu que de la nourriture a été placée dans le seau. Et après, les deux expérimentateurs se tournent pour être tous les deux face au cheval, de la même manière. Les assistants partent, le cheval est tout seul avec les expérimentateurs et on filme son comportement pendant 2 minutes pour voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va plus solliciter un expérimentateur que l'autre ? D'accord. Donc, ça veut dire que le cheval était laissé libre, entre guillemets, d'aller choisir celui à qui il allait demander de l'aider. Voilà, c'est ça. Après, les deux expérimentateurs ignoraient le cheval pendant les 2 minutes. Donc, c'était vraiment pour voir la manière dont le cheval allait solliciter les expérimentateurs. Et le cheval, il connaissait déjà les gens qui étaient là ou pas trop ? Non. En fait, on ne voulait pas que ça illustre simplement une préférence arbitraire qu'il aurait eue pour une des deux personnes. Donc, c'était des inconnus. Mais on voulait quand même que le cheval ose aller toucher les expérimentateurs qui ne se méfient pas. Donc, on a fait une petite habituation. Les deux expérimentateurs sont, avant l'expérience, rentrés dans le box du cheval, lui faire une petite caresse sur l'encolure, vraiment le même temps, tous les deux, pour qu'il n'y ait pas de préférence, mais qu'il soit quand même un petit peu familiarisé. Qu'il ne soit pas trop inquiet. Voilà. D'accord. Et du coup, une fois que les deux expérimentateurs sont face à lui, du coup, les chevaux, ils ont une préférence ? Eh bien, oui. Alors, les chevaux ont plus regardé, ils ont plus été touchés la personne qui avait été témoin de l'événement de cache avant. Donc la personne qui avait vu que de la nourriture se trouvait dans le seau. Donc on peut en déduire que peut-être le cheval a utilisé justement le fait que cette personne était attentive à la cache de nourriture et a donc préféré demander de l'aide à cette personne-là par la suite. D'accord, donc on pourrait se dire est-ce que c'est possible qu'il soit basé, par exemple, sur le fait qu'il puisse voir les yeux de l'humain ou non ? Parce qu'il y avait ça comme différence, du coup. Oui. Alors non, les deux personnes étaient de profil par D'accord. rapport au cheval, donc okay. elles étaient toutes les deux dans la même posture par rapport au cheval. Après, une possibilité, c'est que le témoin était face au seau, et donc c'est possible que pour le cheval, il ait vu plus une interaction entre le témoin et le seau qu'entre D'accord. le non-témoin qui était dos au seau. Tout à fait. Et donc c'est possible qu'à cause de ça, il ait associé ce témoin avec de la nourriture et que ce soit pour ça qu'il préfère le témoin. Donc c'est difficile de... Avec ce genre d'expérience, oui, c'est toujours très difficile de savoir. Base, ouais. Voilà, c'est ça. Tout c'est à ça. Fait. Mais bon, il y a quand même une différence significative. Du voilà. coup, je préfère vraiment ceux qui regardent le seau. D'accord. Et en autre expérience pour là aussi étudier la relation entre le cheval et l'humain, quelle autre expérience avez-vous fait ? Alors, on a aussi voulu savoir si le cheval pouvait comprendre les intentions d'un être humain à son égard et D'accord. déduire de ces intentions une réputation à plus ou moins long terme de l'être humain par rapport à ça. Donc, ce qu'on voulait vraiment savoir, c'est si un cheval voit un être humain interagir avec un autre cheval, est-ce qu'il va pouvoir en déduire si cet être humain, il est gentil, on peut aller interagir avec lui, pas de souci, okay. ou au contraire, il est méchant, il vaut mieux un petit peu s'en méfier. L'éviter. Voilà. D'accord. Et là aussi, ça, c'est compliqué, là, pour le coup. Oui, comment est-ce qu'on fait pour passer pour faire ça, quoi ? Alors, pour vraiment standardiser ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des vidéos. Donc, en fait, on a un peu amené le poney au cinéma. Il avait un rétroprojecteur derrière lui qui projetait en taille réelle sur un grand écran devant lui. Taille réelle, ok. Oui, on voulait faciliter les choses pour lui, donc on a essayé de faire ça assez grand. Et en fait, sur les films, il voit un poney qui est aussi un poney Welsh, mais qui ne connaît pas, il n'a jamais interagi avec lui. Et ce poney interagit avec un expérimentateur que le poney, enfin que le cheval qui regarde ne connaît pas non plus. D'accord. Et soit cet expérimentateur est gentil, il fait des petites gratouilles aux endroits qui plaisent au poney, donc on voit le poney qui réagit, qui étend les lèvres, tout des signes de contentement. Du coup, il y a des vrais comportements de contentement qu'on peut observer à ce moment-là. D'accord. On a vraiment des expressions faciales qui sont typiques d'une émotion positive. D'accord. C'est la lèvre supérieure qui s'avance, d'accord, les oreilles qui vont se mettre un petit peu en arrière, le poney qui essaye de réciproquer, qui vient aussi gratouiller l'humain en réponse, etc. D'accord. Et sur l'autre vidéo, donc la vidéo négative, on avait un être humain qui embêtait un petit peu le cheval. D'accord. En lui mettant des petits jets d'air dans les oreilles, en essayant de toucher les oreilles, ce qui est quelque chose que les chevaux n'aiment pas, mais ça peut être quand même utile pour des soins vétérinaires, donc on ne les a pas embêtés gratuitement non plus. D'accord, donc vous en avez profité pour faire des examens dans la foulée, comme ça, bon, quitte à passer 5 secondes pas très agréables, c'était rentable. Ok. Et là aussi, du coup, on voit des signes qui montrent que le poney, il apprécie pas la manœuvre au niveau des expressions, des mouvements des oreilles. Comment ça se manifeste ? Donc là, à ce moment-là, on va voir le poney sur la vidéo qui a des postures d'alerte. D'accord. Donc il va rester fixe avec les deux oreilles pointées en avant, la tête haute. D'accord. Et même des réactions de fuite. Où, d'ailleurs, ça a été assez dur de tourner ces vidéos parce qu'à chaque fois, le poney sortait du champ en essayant de s'enfuir. Il était plus là. Voilà. D'accord. Okay. Oui, donc pour avoir des vidéos... standardisé, c'est, j'imagine, pas simple. C'est ça. D'accord. Et donc, vous avez montré tout ça à vos poneys. Voilà. Donc, on montrait une vidéo et puis l'autre. Parfois, on commençait par la positive, parfois par la négative. C'était des petites vidéos de 30 secondes. D'accord. Et aussi, ce qui est important, c'est que les deux expérimentateurs, parfois, c'était un qui était gentil et parfois, c'était l'autre qui était gentil. Donc, c'est pour pas alterner, non plus une préférence juste pour un expérimentateur. Et donc, on montrait les deux petites vidéos à la suite au poney. Ensuite, les deux expérimentateurs entraient en live, dans le box où on avait fait la projection. Et on lâchait le cheval et à nouveau, on filmait son comportement pour voir sa réaction face aux deux personnes. Est-ce qu'il allait préférer une personne par rapport à l'autre ? Ok. Et les deux personnes, du coup, elles se présentaient immobiles face au cheval et en gros, ils devaient s'en approcher de l'une ou de l'autre, c'est Alors, comme ça ? Pendant les premières secondes, les deux personnes essayaient d'attirer le cheval en faisant des bruits de bisous, le petit. Ok. Ouais, le fameux. C'est ça. Et après 15 secondes, elles arrêtaient et elles restaient en effet une posture neutre en regardant par terre, sans interagir avec le poney. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que déjà, on a filmé aussi le comportement du cheval pendant qu'il regardait les vidéos. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une contagion émotionnelle. C'est-à-dire qu'il montre des signes qui ressentent les mêmes émotions que les poneys qui vont en vidéo. D'accord. Donc, par exemple, je disais tout à l'heure, un signe d'émotion positive, c'est les oreilles un petit peu en arrière. Et ben, on a remarqué que les chevaux testés avaient les oreilles plus en arrière pendant la vidéo positive que négative. Aussi, ils vont plus souvent, il y a un assistant qui reste à côté d'eux dans le box pour quand même vérifier que tout va bien, qu'ils n'ont pas peur, qu'ils ne cassent pas tout. Et ils essayaient plus souvent d'aller toucher l'assistant. Ils ont même, c'était moi l'assistant, il y a même quelques poneys qui sont venus vraiment me faire des gratouilles aussi, sur la main. D'accord. Donc voilà, et au contraire, quand ils visionnaient la vidéo négative, ils avaient tendance à avoir la fameuse posture d'alerte avec les deux oreilles en avant, la tête très haute. Il y en a même qui sursautaient, qui reculaient. Ok, complètement. Voilà, okay. Donc on a vraiment une réaction très différente. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être qu'en fait, il y avait plus de mouvement sur notre vidéo négative parce que le cheval avait peur. Parce qu'il essayait de s'enfuir, c'est ce que vous disiez. Du coup, il bougeait plus sa tête. Et donc, etc. On s'est dit, peut-être le cheval est juste effrayé parce qu'il voit beaucoup de mouvement sur la vidéo. Bon, on l'avait habitué d'abord à voir des vidéos. On s'est rendu compte que c'était plus difficile de les habituer à des vidéos avec plus de mouvement. On s'est D'accord. dit peut-être. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est sur les vidéos, on a remplacé les chevaux, le poney et l'expérimentateur par des ronds. D'accord. Qui avaient la même air, plus ou moins la même couleur, et qui suivaient exactement le mouvement. Les mêmes mouvements, d'accord. C'est ça. Et là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas ces réactions différentes entre la vidéo positive et la vidéo négative. Et en plus, le cheval n'était plus du tout intéressé par d'accord. les vidéos. Donc visiblement, il a vraiment vu qu'il y avait un congénère et un être humain sur cette vidéo qui interagissait, que ça pouvait être intéressant. Considérons, ça l'intéresse plus du tout de regarder. Oui, parce que c'est la question que j'allais me poser, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'imaginer ce qu'une autre espèce peut voir, percevoir d'une situation. Nous, c'est vrai qu'on est habitué à regarder des films et à comprendre que c'est des êtres humains filmés, mais pour un cheval, c'est vrai que c'est peut-être pas si évident que ça de comprendre que voilà, c'est un cheval, c'est sur l'image, etc. C'est ça. Déjà, sa vision est différente de la nôtre. On connaît pas encore très très bien sa vision. Donc c'était une question, est-ce qu'il voit vraiment une vidéo ou est-ce qu'il voit un ensemble de photos qui se tout suivent ou est-ce qu'il comprend pas du tout. Maintenant, on peut pas non plus être sûr qu'il a vraiment compris que c'était une vidéo. Peut-être qu'il a cru que le mur du box était ouvert et qu'il voyait réellement une scène derrière. Ouais. Voilà, ouais. Ça, c'est difficile de vraiment savoir pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a bien compris la différence entre l'humain et le cheval et les ronds, quoi. Puisqu'il voilà. réagissait pas du tout voilà. de la même façon. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Et du coup, ouais, donc vous êtes sûr que c'est pas le mouvement seul qui l'a fait réagir. Voilà, c'est ça. Et c'était la première fois qu'on voyait une contagion émotionnelle d'une émotion positive. Bah oui. On avait déjà montré que si un cheval a peur, les autres chevaux autour vont avoir peur. Mais c'était la première fois vraiment qu'on montrait que s'il voit un cheval qui est content, il va être content aussi, finalement. Et qu'est-ce qui passe du coup dans la deuxième partie quand les expérimentateurs sont là en vrai? Est-ce qu'ils vont garder ces mêmes postures qu'ils avaient pendant qu'ils regardaient les films? Par exemple, s'ils ont regardé le film négatif, est-ce qu'ils vont garder les oreilles dressées, la tête haute, etc. ou pas trop? Alors non, pendant D'accord. le test de choix, ce qui est assez amusant, c'est que généralement on avait l'impression qu'ils n'étaient pas du tout intéressés par les expérimentateurs. Ils allaient regarder par terre, ils allaient boire un peu d'eau et bon... On s'est dit, ok, ça n'a pas l'air de fonctionner du tout, notre expérience. Et en fait, quand on a analysé les vidéos, on a analysé à nouveau le temps qui passait à regarder les expérimentateurs et le nombre de fois qu'ils allaient les toucher. D'accord. Le temps passé à regarder, c'était pareil. Ils regardaient autant l'un que l'autre. Mais par contre, ils touchaient beaucoup plus l'expérimentateur méchant. Ok. D'une manière ce qui est un peu surprenant parce que voilà, on pourrait se dire au contraire, on va éviter celui qui n'était pas très sympa. C'est ça, c'était notre hypothèse, c'est qu'ils allaient préférer la personne gentille. Mais en fait, c'est vrai que ça a aussi du sens parce que dans la nature, les chevaux, lors de conflits, ils vont essayer d'apaiser le cheval qui crée le conflit en allant justement le toucher. D'accord. Et donc, c'est possible que ce soit ça. Ce soit un moyen de baisser la tension plus ou moins. Voilà, c'est ça. Où il y avait face à eux une personne qui ne représentait pas une menace parce qu'ils savaient qu'elle était gentille, donc pas besoin de trop s'en inquiéter. Et de l'autre côté, avec quelqu'un qui était potentiellement menaçant. Donc, il valait peut-être mieux pour le cheval d'aller voir cette personne menaçante et essayer de réduire les tensions, de s'assurer que, OK, il n'y a pas de menace non plus de ce côté-là. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe entre les chevaux, entre eux, ils le font, d'aller réduire une tension. C'est ça, on observe ça. Okay. Et ça a aussi été observé chez d'autres espèces dans le même type d'expérience. Les bonobos, par exemple, ils D'accord. vont avoir une préférence pour l'expérimentateur méchant. OK. Donc, et pareil, ils ont aussi l'équivalent dans leur vie sociale d'aller toucher quelqu'un quand... Pourtant, pas tellement, ouais. Mais l'explication que les scientifiques ont donnée à cette étude, c'est qu'ils voyaient l'expérimentateur méchant comme un dominant. D'accord. Et donc, finalement, ils préféraient le dominant. Ouais. Puis peut-être que c'est une posture de soumission, de dire bon, ok, peut-être. T'es pas sympa, mais sois sympa avec moi, je vais pas t'embêter. Peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est... Non, c'est intéressant. C'est vrai qu'on penserait totalement l'opposé. Bah, quoi. Oui. C'est les surprises du monde animal vivant. Ça fait un petit peu que ce que ça veut. C'est ça. Et du coup, il va falloir recouper parce que je me suis perdue dans mes notes. Oui, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on a un moyen de savoir qu'ils reconnaissent bien les gens entre la vidéo et les gens en vrai? Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'ils ne reconnaissent pas que ce sont les mêmes personnes? Oui, il y a un risque, surtout que c'est des personnes qui voyaient pour la première fois, ils ne les connaissaient pas, donc juste avec une petite vidéo de 30 secondes, c'est pas évident. C'est court, hein. Donc nous, ce qu'on a essayé... Pardon. C'est pas grave, on peut le refaire. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà d'habiller. Donc les deux expérimentateurs étaient habillés avec des habits de la vie de tous les jours, mais qui étaient les mêmes que sur les vidéos et qui avaient des couleurs un peu contrastées. Il y en avait une qui était habillée en beige D'accord. et l'autre en bleu foncé. Donc on a un peu essayé de les aider quand même. Oui, tout à fait. Mais justement, c'était la question, est-ce qu'ils allaient les reconnaître? Mais le fait qu'on voit une différence de réaction face aux deux, ça confirme qu'ils ont vraiment reconnu qu'ils ont pu passer de la 2D à la 3D finalement. Donc, clairement, il semblerait bien que la relation qui unit l'homme et le cheval ait créé, en tout cas, certaines compréhensions mutuelles des comportements des uns et des autres. C'est quoi. Ça. Donc, même si on se côtoie depuis longtemps, finalement, il y a quand même des choses qui se font. Même si nous, on a mis du temps à s'en rendre compte, c'est voilà. bien là. Et du coup, je me demandais aussi, moi, sur... sur un autre côté, donc on le disait, donc le cheval, c'est un animal domestique, qui vient aux côtés et qu'on connaît ou qu'on croit connaître. Et je me demandais si c'était compliqué pour vous dans vos relations, parce que vous disiez, des fois, vous allez travailler avec des propriétaires, etc. Est-ce que c'était pas plus compliqué de s'intéresser donc, à un animal que les gens côtoient depuis si longtemps et que voilà, ils pensent connaître? Bah, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Les avantages, c'est que les gens, du coup, sont intéressés, ils ont envie de savoir. Les propriétaires qui m'ont prêté leurs chevaux, c'était à chaque fois de manière tout à fait volontaire. D'accord. Sans contrepartie, ils étaient vraiment contents. Ils m'ont demandé après d'envoyer les vidéos. D'accord. Ils étaient intéressés de savoir quel cheval a réussi, quel cheval a raté, pouvoir comparer, essayer de comprendre pourquoi. Vraiment, ils étaient fort impliqués. Donc, ça se passe plutôt bien de manière générale. Après, c'est vrai qu'il y a la difficulté que les gens... ont l'impression qu'ils savent déjà. Et du coup, j'ai eu plusieurs fois, comme je disais tout à l'heure, la remarque, mais finalement, à quoi ça sert ce que vous faites? Parce qu'on sait déjà ça. Et aussi le fait que, ce qui va un peu dans le même sens, les gens ont tendance à fort surestimer le cheval parce qu'ils interagissent avec lui dans leur vie de tous les jours. Ils font un peu d'anthropomorphisme, ils projettent ce que eux ressentiraient dans cette situation-là et ils interprètent le comportement du cheval par rapport à ça. Et donc parfois, c'est difficile de leur faire comprendre que bah non, votre cheval, il n'est pas capable de ça. En fait, c'est vous qui projetez, mais le cheval n'est pas capable de faire ça. Notamment le truc sur la mémoire, c'est vrai que les gens doivent être surpris de se dire que finalement, ils ont peut-être une mémoire très courte. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bah, je donne des formations et lors de la formation, on fait un travail pratique où on demande aux gens justement de faire une petite tâche de mémoire aux chevaux. Et avant de le faire, ils me disent tous, mais bien sûr, le cheval, il va tenir jusqu'à 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, aucun problème. En fait... Non, ça marche pas comme ça. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on est souvent un peu pétri de certitudes. Juste une toute petite précision, vous avez parlé à la fois de chevaux et de poneys. Du coup, vous avez testé les deux. Est-ce qu'il y avait une différence? Parce que c'est vrai, cheval-poney, finalement, c'est la même espèce ou pas? Oui, donc c'est la même espèce. C'est vraiment purement une différence de taille. D'accord. Et alors, il y a aussi une différence de race, que souvent, il y a des races de poneys et des races de chevaux. D'accord. Quand j'ai travaillé avec les poneys de l'INRA, c'est tous des poneys welsh. Donc, c'est pour ça que je parlais beaucoup de poneys. Ouais. En centre équestre, c'était plutôt des chevaux. Il y avait un poney dans le lot. Mais en fait, ce qu'il y a surtout, c'est que pour l'instant, on en connaît tellement peu sur la cognition chez le cheval qu'on n'est pas encore arrivé au stade où on peut commencer à comparer entre différentes races. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Une différence cheval-poney, il y a peu de chances, vu que c'est vraiment une différence de taille. Mmh. Mais par contre, c'est possible que certaines races soient meilleures que d'autres. D'accord. Et le poney welsh, il n'y a pas de raison particulière pour que ce soit cette race-là que vous étudiez à l'INRA ou... Alors, ils ont pris des poneys welsh à l'INRA parce qu'à la base, c'était pour faire des expériences de reproduction. D'accord. Et l'autre équipe qui faisait des expériences de reproduction utilisait des poneys welsh. Donc, d'accord. C'est vraiment pour une raison un peu historique, finalement. Oui, d'accord. Et donc, on fait des expériences parce que c'est ces poneys-là qu'on a. D'accord. Ce qui est une très bonne raison. Voilà. Et du coup, moi, je me demandais... Pour conclure, quelle pourrait être la suite, les applications de vos recherches? Alors, il y a encore plein de choses que je voudrais tester. Hein. J'imagine bien. Ce sur quoi on est parti pour l'instant, pour la fin de ma thèse, parce qu'il ne me reste plus que quelques mois, c'est d'essayer d'utiliser ce qu'on sait pour appliquer ça un peu plus sur le terrain. Donc pour l'instant, on essaye de demander aux gens comment ils apprennent des choses à leurs chevaux, quand ils veulent leur apprendre des choses, et essayer de regarder un petit peu si ça colle ou pas de ce que nous, on sait de la cognition chez le cheval, et plus précisément des méthodes d'apprentissage, et essayer de voir ce qu'on pourrait améliorer. Est-ce qu'il faut plus informer les gens, ou au contraire, est-ce qu'ils savent déjà vraiment comment s'y prendre? Et surtout, plus que juger les gens, aussi voir comment les chevaux réagissent finalement face à ce qu'on leur demande. Bien sûr. Donc l'idée, ça serait un petit peu d'améliorer, si possible, la relation entre l'homme et le cheval quand il y a des incompréhensions d'un côté ou de l'autre, finalement. Voilà. Pour l'instant, il y a déjà peu qui est connu en théorie. Et surtout, le lien entre la théorie et la pratique se fait parfois assez difficilement. Juste pour cette expérience-là, où on demandait aux gens de se filmer en train de faire un exercice, on a eu beaucoup de refus assez forts de centres équestres qui nous disaient non, on n'a pas le temps pour faire ça, ça ne nous intéresse pas. C'est bien qu'il y ait des gens qui aient le temps pour le faire, mais nous pas. D'accord, bon. Bah merci. Voilà. Mais c'est surprenant parce que eux aussi, enfin je veux dire, c'est ce qu'on disait au début, un cheval qui a peur, enfin il y a des accidents malheureusement des fois tragiques de cavaliers qui tombent, qui se prennent une branche parce qu'un cheval s'est emballé parce qu'il a peur. C'est vrai que c'est important pour la sécurité et du cheval et de l'humain finalement de prendre tout ça en compte quoi. Tout à fait. Après c'est vrai que quand on a des sujets fort théoriques, c'est parfois difficile de voir les applications, mais par exemple pour la permanence de l'objet dont on parlait tout à l'heure, donc le fait de savoir qu'un objet est encore là même si on ne le voit pas, ça peut avoir des implications directes parce que ça veut dire que si on est en train de brosser le cheval et qu'on part et qu'on revient, si le cheval n'a pas cette permanence de l'objet, ça veut dire qu'il va être surpris qu'on réapparaisse. Donc il faut vraiment le prévenir, etc. Donc c'est important de le savoir pour prendre des toutes petites précautions, mais qui peuvent changer beaucoup de choses au final. Eh bien, merci beaucoup, Milena, d'avoir répondu à mes questions et nous avoir permis d'en apprendre un peu plus sur nos compagnons équins. Même s'il reste encore beaucoup à découvrir, c'était déjà une très belle entrée en matière. Alors merci beaucoup. On finit avec un conseil lecture. Pour finir cette émission, et à défaut d'avoir trouvé des ouvrages sur les cochons et sur les chevaux qui me satisfaisaient pleinement, j'ai choisi de vous parler dans ce conseil lecture d'un autre animal de ferme souvent sous-estimé, la vache. Et en la matière, je ne peux que vous conseiller le merveilleux album documentaire suivant, Vache au pluriel, de Anne-Sophie Baumann et Charlotte Mola, et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Il s'agit d'un album grand format, richement illustré par le style rétro de l'illustratrice Charlotte Mola. Le livre est rempli de grands rabats que l'on peut ouvrir et manipuler, révélant de belles illustrations et de solides informations. Le livre est novateur dans le sens où il parle d'un animal qui est rarement valorisé, mais aussi qui aborde des connaissances rarement mises en avant. L'ouvrage ne passe rien sous silence. On y trouve en effet des informations sur les vaches dans le monde, sur leur biologie, leur mode de vie, sur la domestication, sur les différentes races et leurs fonctions. Mais on trouve aussi, et c'est bien plus rare, des explications sur comment est fabriqué le fromage, certaines pratiques d'élevage courantes, comme l'isolation des veaux de leur mère, et même quelles sont les différentes étapes à l'abattoir entre la mort de l'animal et la préparation de sa carcasse en vue de la commercialisation de sa viande. J'ai d'abord été surprise, puis contente de la démarche des deux autrices qui visent à expliquer les faits sans prendre parti, au lecteur de se faire son opinion. Personnellement, j'ai appris quantité de choses. Savez-vous par exemple qu'il existe plus de 500 races de vaches ou encore que les zébus, comme les vaches, descendent directement de l'auroch, contrairement aux buffles africains, aux yaks ou aux gores. Ou encore qu'une vache broute pendant 8 heures par jour et produit 12 bouses à cause d'un système digestif hautement spécialisé mais aussi plutôt contraignant. Le livre est très riche, beau, original et subversif. Je vous le recommande chaudement. Et c'est déjà la fin de notre émission, mais aussi la fin de cette première saison. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de ces 20 premières émissions. J'espère que le voyage vous a plu. J'en profite pour vous remercier de votre fidélité, ainsi que Magic Thomas de La Fosse à la Technique qui m'a tant aidé, et merci à toute l'équipe de Campus FM. Je vous souhaite un bel été, on se retrouve à la rentrée. Et d'ici là, gardez la pêche.